Mes chers frères, en ce lundi 25 septembre 2017, pêcheurs, pêcheresses, mettons sur notre route le saint générique. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Lundi. Lundi, le 25 octobre 2017. Monte le volume. Monte le volume et fume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des abeilles dans la vieille capitale. Oui, erreur impardonnable. Non, merci. Il s'est rien passé avant, OK? Quand la platine a loqué. Non, mais il s'est absolument rien passé. Réré, on recommence. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. On va l'avoir. Lundi, le 25 septembre. 25 septembre. Monte le volume. Monte le volume et hume la différence. C'est parti. Mon kiki! Enregistré au studio des abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! D'un jour ça marchera et je ferai tout péter. Tout petit déjà, je voulais être le roi. Prendre la pause puis faire n'importe quoi. Satisfaire tous mes désirs et même les pires. Mais tout ce que je fais ne marche jamais. Que je couille, que je sombre, je veux sortir de l'ombre. Qu'on me sourie, qu'on m'aime un peu comme La Joconde. Mais à peine je l'ouvre, que déjà l'on me retrouve. Moi, Raoul Ier, au rayon surgelé. surgelé. C'est pas normal, ça ne marche pas. Une belle brouette à la grande Juliette, mais elle me dit je suis pas encore prête. Je me tourne vers la petite Cathy avec un shorty très sexy. Elle me répond c'est pas mon styley. Je voulais être gentil, mais je suis mauvais. Tout ce que je dis est toujours mal compris. C'est plus fort que moi, je le fais pas exprès. Mais un jour ça marchera et je ferai tout pété. C'est pas normal. Que tout soit gratuit, mais ça ne marche pas. C'est plus fort que moi, je le fais pas exprès, mais tout ce que je fais ne marche jamais. C'est pas normal, ça ne marche pas. C'est pas normal, ça ne marche pas. Laisse-moi mourir un peu, laisse-moi un peu mourir. Maintenant que je sais qu'avec moi tu jouais, laisse-moi mourir un peu, laisse-moi un peu mourir. Ne viens pas où je suis, t'entrevoir me détruit. Laisse-moi mourir un peu, laisse-moi un peu mourir. Si je pense à nos heures, quand nous rions je pleure. Laisse-moi mourir un peu, laisse-moi un peu mourir. Oublie que je te veux et j'oublierai tes yeux. Laisse-moi mourir un peu, laisse-moi. Avec toi, maintenant laisse-moi. Septembre, un beau regard vers l'automne. Nous venons d'entendre, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont plantés devant leur acoustique avec leur cellulaire. Il y a un programme, là, je sais pas, moi, j'ai pas de... J'allais dire, j'ai pas de télévision intelligente. J'ai pas de téléphone intelligent, moi. J'ai peur que ça me dépasse. Je sais qu'il sait que moi, je suis inférieur à lui. Tout le monde qui possède un téléphone intelligent se font manipuler par leur appareil. Normalement, ça devrait être l'inverse, hein? C'est l'homme qui manipule l'appareil. Je suis capable, moi. Hey, moi, je suis sorti d'une grotte. D'une grotte. Ça paraît curieux. J'ai pas dit d'une crotte. J'ai dit d'une grotte. J'ai sorti d'une grotte. Quoique, ma grotte était faite un peu anglaise. Pas English, anglaise. De la glaise. Hey, monsieur, on commence. Hey, Raymond! Dis-moi donc, on a le public averti ou le public pas très averti? On a des travestis aussi, j'ai rien contre! Ça, là, si ça peut colorer notre société, amène-moi-en des travestis! On peut aussi se travestir autrement que par le sexe! On peut se travestir par les mots, on peut se travestir par la poésie, on peut se travestir partout! Travestissons-nous! Eh, monsieur, travestissons-nous! Ça pourrait être une doctrine. Traversons heureux! Traversons! Eh, monsieur. On traverse quoi? Un nuage! Un nuage épais, entouré d'épais! Il y a plus d'épais qu'un nuage épais! Au moins, on voit pas l'autre épée en avant de nous autres! Nos yeux sont brûlants, là! Tu sais, il y a de la boucane, de la fumée. Au même titre que, imaginez-vous, j'ai pris les nerfs à Paris cette année. J'ai pris les nerfs parce que j'ai dit le mot graffiné. On n'utilise pas le mot graffiné. Puis on disait, on m'accusait de pas faire du français correct. On m'accusait! On m'accusait pas. Non, mais il savait pas ce que ça voulait dire. Non, parce que je réfléchis en même temps, moi, là. Ça fait mal, puis ça fait dur pour vous autres, là. Vous écoutez ça, vous avez voyé un dent, qu'est-ce qui se passe? Il gueule! Je peux vous dire pourquoi je gueule. De un, je fais des émissions en rafale actuellement. Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que je suis tout seul dans mon studio actuellement. Mon studio se trouve dans une maison où j'habite. Mais j'ai des locataires en haut, en bas, à droite, à gauche, partout. C'est une maison multipartose. Et dans cette partose-là, aujourd'hui, en fait, pendant une semaine, je suis seul. Il n'y a personne, tout le monde est parti! Même le petit Benjo est parti, celui, le petit, le poilu japeux. Je prépare une tournée avec lui un peu partout dans l'Europe profonde et puis dans la francophonie profonde nord-américaine. Petit banjo! Il n'a jamais su jouer le banjo. Mais moi, pour moi, ça clôturerait mon spectacle avec lui. Petit banjo qui joue du banjo. Mais il s'en balance tellement. Il se balance de mon spectacle. Il se balance du succès. Je dis, hey, imagine-toi donc si tu viens là avec moi. Toutes les petites... Elle dit, c'est bien sûr que les rouins, c'est pas ça qu'ils veulent, lui. Toi, t'es un Yorkshire, terrier croisé caniche. Imagine-toi, des petites caniches. Hein? Bien frisées, là. Oh, hein? Qui te regardent du coin de l'œil. Puis surtout, il y en a qui ont les yeux bleus. Puis, oh. Les yeux bleus, la dolphin, les yeux bleus, la dolphin. Ta-da-da-da-da-da-da. Pa-pa-pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Mais c'est quand? Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de mentionner. Non, mais dis donc à ton public que t'étais en transe. Ben, j'espère que j'étais en transe le jour où mon émission Errance canadienne. J'ai presque renversé ma poubelle. C'est quasiment intéressant de dire ça à la radio, là. Pis ça, ce qui me plaît, ce que vous savez, pour ça que vous m'écoutez, je fais de l'anti-radio. On doit pas mentionner ces affaires-là. Là, entendez-vous le bruit de... Ça, c'est le vent de mon ventilateur parce qu'il fait actuellement très, très, très, très, très, très chaud dans mon studio. Puisque moi-même, je suis comme un volcan en éruption. Puis, j'ai écouté les rôles petites avant, la première chanson, là. Ben oui, vous savez, là, le générique. le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le circuit médiatique actuel, Reynald Gagné. Là, après ça, il y a une chanson, Raoul Petit. Et ensuite, mon ami David Lafort, presque méconnu, que je diffusais l'année dernière, que je veux avoir en rencontre, mais c'est un gars tellement timide. Il y a tellement de choses à nous dire. Il y aura une autre chanson dans quelques minutes. Oh oui. Oui, le titre, c'est... Oh oui, c'est ça que je vous disais au début. Je me rappelle! Coulisse! Merci, Coulisse! Non, mais elle me surme à marmonne. Elle marmonne à peine. Là. Elle a une laryngite aiguë. Ça fait deux semaines, j'ai dit, ah, « Habille-toi, c'est l'automne bientôt, là, j'ai ouvert ça avec ça! » Elle dit, « J'ai ouvert ça avec ça, c'est l'automne, là, gna, gna, gna, gna, oh, gna, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, oh, j'ai pas trop chance. » Oui, hey, c'est ça, en France, là, graffiner, ils connaissent pas ça, ils savent pas ce que ça veut dire, graffiner. Ils m'ont dit, « Ouais, mais c'est pas ça que tu veux dire, sincèrement, c'est gratigner. » Ben, j'ai dit, c'est synonyme. Graffiner et gratigner. Mais on me remet encore, là. On me redit. Ouais, mais graffiner, ça se peut pas, ça existe pas. Elle dit, c'est dans ton dictionnaire. J'ai dit, c'est pas moi, mon dictionnaire, c'est Robert Larousse. Robert Larousse, Larousse Robert. Graffiner. Puis là, bien sûr, vous allez entendre ça là, durant l'année. Je sais pas qui a parti ça, mais j'étais. En plus, j'avais. Je dors mal là-bas, moi, là, à Paris. Parce que je dors peu, là. Je rencontre du monde, ils m'invitent, on s'en va dans des soirées, puis VIP. Je rencontre des artistes, des gens qui... des musiciens, puis... je me retrouve, là, à 4 heures du matin à chercher mon auberge de jeunesse, à aller me coucher au sous-sol de mon auberge. Je prends toujours le lit en bas. Si je dois monter en haut, là, c'est au détriment de... la personne qui se retrouve en bas, moi, je dors avec lui, avec elle ou avec lui, aucun problème. Moi, juste me déposer la tête là, pour essayer de ronfler deux minutes. Disons deux heures, là. On va aller vite. Deux heures, deux minutes, deux... As-tu deux minutes? As-tu deux secondes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux minutes? As-tu deux secondes? As-tu deux minutes à me consacrer? Ça vaut beaucoup. Madame, j'ai acheté ça, ces garlingues-là, là. On va enlever l'écho. Ça joue beaucoup moins. C'est moins efficace que ça. Hein? Imaginez-vous. As-tu des minutes? As-tu deux secondes? As-tu des minutes à me consacrer? As-tu des minutes? As-tu deux secondes? As-tu des minutes à me consacrer? Ça, c'est Pauline Julien qui chante ça. C'est un texte de Michel Tremblay. Mais là, c'est pas ça que je veux vous dire, là. Je veux vous dire que vous êtes à Errance Rénaldienne, ça. J'espère que vous avez compris. Mais hey, ils savent bien plus que toi! Toi, tu le sais pas, tu te le rappelles! C'est vrai. T'es dur avec moi? Je suis pas dur! Je suis rénaliste! Oh, t'es rénaliste, oui! J'amène la rénalité en toi. J'amène le chemin de l'absurdité. Tu dois rester absurde. Ton chemin, c'est l'absurdité. Va plus loin là-dedans. T'as jamais franchi autant d'interférences depuis quelques années. Depuis quelques années. OK. Quelques années. Quelques années. Ben oui, mais c'est quoi? Quelques années. Ben arrête de le dire. Quelques années. Je sais pas combien d'années, mais c'est quelques. Au pluriel. C'est à toi de faire ton cheminement. Si on peut dire, là, intellectuel. Mais là, on vient de dépasser quelque chose. Intellectuel, là. Hey, tu me prends pour qui? Pour un créateur qui divague plus assez. Pour un créateur qui cherche trop. Pour un créateur qui se surprend encore. Et c'est pour ça qu'on continue. Et le jour où on ne se surprendra plus, en parlant, parce qu'on vient de parler, ben là, on parle depuis trop de temps, là. J'avais promis une chanson de mon ami. Ben, la preuve. On y va, on continue. Ça vaut la peine. On se retrouve après. Vingt francs, le cunnilingus. 20 francs. Je suis honnête, je me suis trompé de pièce. Non pas que c'est pas la pire, là. Tout est bon là-dedans. Mais c'est pas celle que je veux vous faire partager, puisque c'est plutôt celle-là. Je n'ai pas dit que ce que tu avais dit n'avait rien à voir avec ce que je disais. Ce que je dis, c'est que quand tu m'as dit ce que t'as dit après que j'ai dit bah, ce que je t'ai dit, bah, je me suis dit, elle a pas bien compris. Tu m'en diras tant, tu m'en diras tant, tu m'en diras tant et tant. Tu m'en diras tant, tu m'en diras tant, tu m'en diras tant et tant. Pas ça comme tu dis, juste pour dire. Ce que je veux dire, c'est que quoi que tu dises, ça ne changera rien à ce que j'ai pu dire. De toute façon, tu dis n'importe quoi. De toute façon, tu dis n'importe quoi. Tu m'en diras tant, tu m'en diras tant, tu m'en diras tant et tant. Tu m'en diras tant. Tu m'en diras tant, tu m'en diras tant et tant. Oui, c'est toujours mon ami David Lafort, un homme à connaître et à reconnaître lors de mes prochaines errances rénaldiennes. Qu'est-ce qui est pas vrai, monsieur, là? Mais c'est pas vrai, ça! Attendez, là. Là, vous nous accusez... Non, non, mais il faut prendre le fer quand il est presque tiède. Là, vous nous accusez de dire... une non-vérité. Mais c'est pas vrai, ça! Ben, c'est ça. Si vous nous dites ça, monsieur, c'est parce que vous ne croyez pas! Mais c'est pas vrai, ça! Ben, oui, vous vous dites que là, on vous ment! Mais c'est pas vrai, ça! Là, nous sommes pas politiques, monsieur. Nous sommes à la radio, Errance Rénaldienne, CKRL. On dit toute la vérité, juste la vérité, je vous le jure! Mais c'est pas vrai, ça! Si vous me dites que c'est pas vrai, mon cher monsieur, là, allez vérifier, OK? Je vais vous dire le titre de l'album, êtes-vous prêt? Mais c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, moi, je vais vous dire que c'est vrai. C'est David Lafort, OK? Le titre, c'est... son album, c'est 5 têtes. Mais c'est pas vrai, ça! 5 têtes. 5 têtes. Mais c'est pas vrai, ça! Vous, monsieur, là, en avez-vous une au moins? Mais c'est pas vrai, ça! Ben, je suis pas certain. Moi, là, les cornichons sont pas tous dans les pots, hein? Mais c'est pas vrai, ça! Je suis pas en train de vous insulter, mais c'est pas loin, là! Mais c'est pas vrai, ça! Si vous continuez, je pense bien que je vais faire appeler la police! Mais c'est pas vrai, ça! Puis si j'appelle la police, je pense bien qu'ils vont vous embarquer! Mais c'est pas vrai, ça! Avec moi aussi. Pour ça que je m'arrête, là. C'est bien beau s'auto-pomper, là, mais y a des risques imminents. Imminent. Bon, là, vous êtes à une émission traditionnelle, de variété, indépendante, francophone. Et bienvenue. Je vous annonce que vous êtes avec Reynald Gagné. Il ose dire son nom. Ben oui. Il ose dire son nom. Oui. Il ose dire son nom. Ben oui. Pourquoi pas? Voyons donc! Nous sommes dans un pays, puis ça, c'est intéressant, là. On nous le forge à chaque instant. Hey, le Québec, c'est un pays libre. Hey, nous vivons dans un pays libre. Hey, libre. Hey, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Sommes-nous libres, véritablement? Libre de tout, là. Libre dans sa structure la plus réaliste. On n'est pas si libre que ça. Ben non. On se couche. On essaie de dormir. On se réveille le matin. Et si on est libre, pourquoi se réveiller le matin? On peut se réveiller l'après-midi, le soir, la nuit. Ben non, on doit aller travailler. On a des enfants. On doit les éduquer. On doit les élever. On doit les rendre meilleurs. Donc, on a des contraintes. On n'est pas libre. La liberté, il n'y a pas de contrainte dans la liberté. Quand je parle de la liberté, c'est celle qui est absolue. Là, on se retrouve avec des choses que l'on ne peut pas faire puisque nous ne sommes pas véritablement libres. On doit les travailler. Imaginez-vous, on va se placer là-dedans dans le plaisir, là. OK? Nous allons jouer. Je vais vous dire pendant quelques minutes, nous allons jouer. Bon, c'est pas mal, hein? Si vous voulez appeler vos amis, « Hey, il y a Renald là, qui dit à ses coérelles qu'on va jouer! » C'est quoi? 89.1, Rita. Il l'a pas dit, mais il va le dire. Oui, dans 2 minutes. Dans 2 minutes, là, il va nous faire jouer. Peux-tu prendre la radio? Branche-le dans le... Ben, non, c'est... OK, toi, c'est sur les internets. Oui. M'a dit, je vais te dire l'adresse. Il faut être français traditionnel. Non. On peut être français n'importe comment. Oh, c'est vrai. Alors, moi, je suis français comme n'importe comment. M'a va dire le site internet. C'est www.cqrl.qc.ca. Puis en haut, là, tu vas voir, écouter en direct. Tu cliques là-dessus, OK? Tu as encore 45 secondes. Dépêche-toi, parce que si tu veux jouer, c'est le temps. Ça fait combien d'années que t'as pas joué, toi? Hein? Bon, c'est bien beau d'élever des haricots, là, mais il faut aussi les mettre dans les pots puis vinaigrer, quoi, des haricots vinaigrés, c'est pas très mangeable. Ton vin que t'as fait aussi, là, c'est pas très bon, là, mais en fait, tu es en pleine recherche. J'ai pas à te juger, tu cherches. Tu cherches le bon goût, tu cherches quelque chose qui se veut autrement que dans les grandes familles classiques que l'on nous martèle et nous propose quotidiennement. Alors là, si tu veux jouir, là, vas-y. T'es-tu prête? Rénal, vas-y! Ben oui, mais là, écoute, le 1, là, tu m'as comme arrêté. Arrêté dans quoi? Dans jouissance? Non, mais dans le fait que je voulais amener un propos. Ah! Alors... Ce que tu dois dire, c'est que je ne me souviens plus. Ouais, c'est à peu près ça, là. Je voudrais me souvenir. Non, pourquoi? Parce que... Je vais t'expliquer, mon petit champion. Depuis quelques années, je vois bien que... Tu sais, t'as comme une ligne médiane. Oui. Mais cette ligne médiane-là flanche vers la fin. La fin de? Ben, la fin de tes idées. Alors là, toi, tu bifurques vers une autre idée, tu bifurques, fring, vers une autre idée. Puis là, il y a plein de monde qui veulent jouer actuellement, puis qui écoutent ces CQRL, puis je leur ai dit, j'ai appelé des gens, puis tu as annoncé aussi aux gens d'appeler d'autres personnes. Puis là, on est peut-être 75% plus nombreux à ton émission, puis on attend de jouer, puis on sait pas comment. Ben voyons donc, tu sais pas comment. Pas compliqué, là. Ginette Renaud l'a chanté. Jouir quand on a envie de pleurer, prendre un train quand un bateau s'en va, fuir vers une trop belle idée, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau pour moi. Chercher quand il n'y a rien à trouver, voir avec les mots le nom. Alors, ouais, mais là, attends un peu, là, les gens ont rien compris de la dernière phase, là, mais c'est pas important! C'est pas important! C'était une chanson venue du cœur. Es-tu certain? Moi, là, selon moi, là, je connais les influences musicales. C'est plus vers l'intestin, là. C'est la diachronie de synchronie. Connais-tu ça au cinéma, la diachronie de synchronie? Hey, c'est pas n'importe quoi quand tu regardes un film, là. Il y a la diégèse. Ouais, moi, il était plus. Moi, j'ai regardé le film Apocalypse. Non, c'est Mad Max 4. Mad Max 4. Et puis, la diachronie, synchronie, pas vu ça, moi, là. Non, mais j'ai vu courir Mel Gibson pour faire allusion qu'il y avait un Mad Max avec Mel Gibson à un moment donné dans la série. Mais la diachronie de synchronie, je ne connais pas ça. Mais la diégèse, qu'est-ce que c'est, la diégèse? Mais la diégèse, moi, te le dire en quelques secondes. Excusez-moi si je ne vous ai pas fait jouir. Mais la diégèse, non, mais on est franc. On sent un peu coupable, là. On amène des idées, puis on dit, attention, on va vous amener quelque chose. Puis la chose n'arrive pas. La diégèse, c'est l'histoire racontée. Hein? Ah ouais? Ben oui. Diégèse, histoire racontée. Histoire racontée, ben l'histoire qu'on vous raconte dans un film, on appelle ça la diégèse. Pas plus compliqué que ça, là. Arrête-toi, là. Arrête-toi. T'as compris ça, là, la diégèse, c'est l'histoire racontée? Oui. Bon, ben OK. Dans ta tête, là, quand tu iras un jour à l'université, ouais, mais moi, j'ai pas réussi mon secondaire 3, moi. Moi, j'ai fait un secondaire 2 léger. Secondaire 3, c'est ça. Hein, ton secondaire 3. Oui, mon secondaire 3. Sincèrement, mon secondaire 3 était à chercher. Oui. Est-ce que tu l'as trouvé? Ben non, je me suis arrêté en deux. En deux, puis. Mais moi, j'ai pas peur, là. Après deux, c'est trois, je le sais, mais je sais pas quand. Je suis bien patient. Dans la vie, il faut être patient. Oui, mais tu sais que la vie, c'est limité. C'est limité à... ou limité? Non, mais je veux dire, c'est limité dans le temps. Ah? Oui, mais moi, écoute, là tu me parles... toi, t'es un philosophe. Ben, pas vraiment, là, mais... il faut dire que c'est pas... sur des siècles. La vie, c'est sur des années. Pour les chanceux, ça peut se résumer à... un cocon centenaire. Un cocon centenaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il y en a qui vivent jusqu'à 100, 102, 110, 115. Hey! 115, je pense que c'est le gros max, là. À 115, là. Ah, pouf! Ah, je viens de perdre un bras. Ah, ouais, ah, ben, c'est normal. J'ai 115 ans, tu sais. Oh, oui, il m'en reste encore un. Là, le gars, ou la femme, la fille commence à écrire. Ah, que pouf! Le deuxième bras vient de partir. Ah, mais c'est normal, j'ai 115 ans. T'sais, ça commence tranquillement, là. C'est pas la chute des choses, c'est la suite des choses. La suite. Pour la suite du monde. Oh, de Pierre Perrault. Connais-tu Pierre Perrault? Moi, j'ai le Perrault un peu éraclé aujourd'hui. Moi, je vais te dire pourquoi, là. Je voulais t'écouter, là, ton émission, parce que t'es drôle, puis tu nous fais rire. Mais, je sais pas, là, à soir, là, ton diégèse de synchronie, de maraconie, de... Moi, mon macaroni, je mets du jus de légumes. Du sel, du poivre, puis, hey, depuis quelque temps, là, je suis audacieux, parce que je mettais juste ça dans le spaghetti. Vous savez que je suis un amateur de spaghetti. Je mettais ça, là. Je mets du macaroni. Dans mon macaroni, je mets 3-4 poudres, pas trop, là, 3-4 poudres de sel d'ail. My, que c'est bon. Puis là, ça me surprend, parce que je me dis, pourquoi tout le temps, OK, j'ai laissé me faire croire que le spaghetti équivalait à la poudre d'ail. Ouais, puis... là, ben écoute, ce que je veux expérimenter là, dans quelques temps, là, c'est du sel d'ail avec du poulet. Ce ne sont que discours, tristes plaisanteries ou infâmes bavardages. L'oraison s'élève à peine, sortie du four. Que peut-on espérer d'ignoble volaille au vage? L'instant d'après, on devient plus précis. Voulez-vous une cuisse ou bien un peu de blanc? Le couteau électrique, c'est l'heure du dépeçage. Vous savez, les patates m'excitent tout autant. Je n'eusse souhaité un si bel hommage. Hey, yeah, yeah. Je suis le boulet. Hey, hey, né dans une cage, mort au bout d'un crochet. Déjà, je suis le poulet. Né dans une cage, mort au bout d'un crochet. Chicken, qui craque. J'ai comme qui dirait des courants d'air sur les cartilages. J'aurais pu finir dans un sandwich ou un snack. Mais c'est dans un bain de nuit que l'on me partage. Non. Attends un peu ma poule, c'est pas encore midi. Voulez-vous une cuisse ou bien un peu de blanc? Le couteau électrique, c'est l'heure du dépeçage. Ça va de patate, m'excite tout autant. Je n'eusse souhaité un si bel hommage. Hey, yeah, yeah. Je suis le poulet. Hey, hey, Né dans une cage, mort au bout d'un crochet. Au bout d'un crochet. Aujourd'hui, le vendredi, c'est les Raoul Petit avec le poulet, bien sûr, le poulet avec l'ail, un peu d'ail! Un peu d'ail, un peu d'ail, un peu doux. Un peu d'ail, un peu d'ail, un peu doux. Quand le poulet est sorti en ville, il se prenait pour Pompidou. Quand le poulet est sorti en ville, il est revenu sans plume, de derrière et de dessous. Poulou bye, poulou bye, poulou bou. Poulou bye, poulou bye, poulou bou. Quand le poulet est sorti en ville, il s'est vu ridiculiser comme n'importe qui. Ouais, mais là, ça rime plus. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le vendredi 22 septembre 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs nous pour nous. Hein? Présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Hein, oui, arrête de dire hein. Non, mais hein, parce que je me rends compte que je m'arrête. Je me rends compte, là, qu'il y a quelque chose qui m'arrête. Puis là, je me pose la question, qu'est-ce qui m'arrête? Puis j'arrive toujours à cette solution-là, ou à ce résultat-là, bien, c'est moi. Je m'arrête. comme la chanson de Plastique. J'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 15 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Stop! Venant de Ligon, non, ça n'a rien à voir. Alors, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ça va bien, vous? Le 22 septembre, ça peut pas aller mal. La chanson de Beko. C'est en septembre. Ça serait bien de la diffuser. Ça serait bien aussi de la raconter, puis ça serait bien de vous la faire partager. Comment ça tu dis bien? Ben, c'est bien. C'est pas bien, c'est bien. À Errance Rénaldienne, on peut s'approprier des mots, les diverger, les, pour ne pas dire la déflorer. On peut déflorer, c'est mieux que dévierger. On peut la déflorer pour la vous, non, pour la restituer autrement. La création, c'est ça, là. Restituer autrement ce qui a été dit depuis des années, des milliards d'années, toute l'existence. Quand le noyau va partir, quand le premier poète va arriver, OK, le noyau est pète. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de... Tous les enregistrements qu'on a faits, là, Errance Rénaldienne, c'est de la merde. Puis tout le reste aussi, là. Quand ça repart à zéro, puis un petit bozo sur le coin de, d'une étoile qui dit « Par le hublot de son château, bozo, voyait entrer ses invités poudrés. » Il va passer pour un génie. Mais lui, il savait bien que Félix Leclerc était né avant lui, puis personne ne le sait parce qu'il a dans sa tête une clé SD. Une clé SD, SD? Une clé BS, SD? En tout cas, une clé informatique qu'il a rentrée dans son cervelet. Parce qu'il a choisi d'être éternel, lui. C'est un malade, t'sais. Woody Allen, je suis sûr que dans toutes ses thérapies, est bien heureux de se sentir un jour vulnérable à la mort. Mais ce gars-là, là, je sais pas c'est qui, là. Je veux pas le nommer, je sais pas. Il s'est hissé. Hein? Il s'est hissé en haut de toute la hiérarchie humaniste pour se dire, c'est moi qui, à travers mon corps, ma voix, mon être, je divulguerai toute ma connaissance. C'est pour ça qu'il faut lui amener cette connaissance-là, puis parce que j'ai appris qu'il écoutait CKRL. Ce gars-là écoute CKRL. Trois stations de radio. Mais avant tout, CKRL. Donc, je le remercie. Puis ici, en haut, là, quand tout va péter, ben, il va être là pour dire ben, j'ai entendu, mon ami Lafort! OK? OK, David Lafort, nous chanter deux chansons. Puis là, il va partir, puis il va ramener le flambeau. C'est grâce à ce gars-là, ce seul gars-là qui a été, en tout cas, qui a voulu être universel, puis jamais mourir. C'est un être étrange, là. Un errarénaldien, puis en tout cas. Laissons ça la chaussée. Non, mais t'as comme le blues. J'ai pas le blues. Je te dis. Non, j'ai pas le blues. Call in le blues. Faut que je te joue. Mais là, je vais jouer la carte de la vérité. Aujourd'hui, le vendredi 22 septembre 2017, les errances rénaldiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Et le vent. Le vent caresse les vagues bleues, s'amuse dans les voiles, caresse les vagues bleues, s'amuse dans les voiles. Mais là, il s'est amusé sur ma feuille. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot, qu'oublions les embarras familiaux. Eh, monsieur, hein? On a-tu des embarras familiaux? Nos enfants, nos femmes et moi. Et nous. Et puis donc, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. C'est bon quand je descends de quoi? La gamme, OK, de la gamme. Quand je dégamme. Quand tu deviens bigame, OK. Donc, attaquons notre bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami incroyable qui s'appelle Faustine Levin. Faustine Levin est une photographe comédienne. Elle vous dira tout ça. Et encore plus, j'ai été très, très heureux de la rencontrer. Et je lui propose ce soir sa belle soirée. Ouais, mais là, tu viens de dire ce soir, cette belle soirée. Ben oui, je suis tout le temps redondant. Mais dans la redondance, il y a l'amour d'une personne qui s'est rendue à Paris pour rencontrer une fille aussi formidable qu'elle. Donc, je vous souhaite une bonne émission avec mon amie Faustine Levin. Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. Ronicos en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence, rien ne vaut l'air de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, on se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux. Dans le métro parce que j'avais pas mis de photo sur le pass que j'ai acheté. 35€ d'amende, alors que j'ai quand même payé ce pass 30€. Hein. J'ai eu 35€ d'amende et si je ne les payais pas là, c'était 85€ d'amende. Mais on te l'a pas dit, tu te fais une photo? Non, et il a dit que c'était marqué dessus. Alors oui, effectivement, c'est marqué dessus, mais j'ai pas regardé, moi, je savais pas. Bon, bref, du coup, c'est dingue. Hein. C'est ridicule. Et le mec était vraiment là, il était immense, hyper baraqué. Et moi, à la fin, il me fait, vous pouvez passer, vous pouvez y aller. Ah ouais, ouais, comme l'impression. Si c'était une merde. Oh là là, ouais. Oh, et puis pas moyen de discuter, enfin, il était odieux, quoi. Ouais, tu sens vraiment les gens. Qui veulent avoir de l'autorité, quoi, qui s'en servent et tout ça. Moi, j'avais envie de pleurer, tu sais. Mais il y en a de plus en plus. Hein. Oui, surtout dans ces trucs-là. Là. Mais tu sais que dans la vie, ce sont sans doute des minables. Dans les quoi? Des minables. Ouais. Dans la vie, ce sont sans doute des minables. Parce que c'est des gens qui au travail, montrent leur pouvoir et à la maison, ne doivent pas avoir grand-chose. C'est clair. Ouais. Oui, mais c'est toujours désagréable, quoi. Du coup, et en plus, l'ascenseur était en panne, donc je me suis fait abaisse avec ma valise. Oui. Mais ça m'a tué. Mais tu l'as pas lu, c'était indiqué? Non, j'ai pas fait gaffe. Bon, ça m'a fait faire. Mais la dame, elle te l'a pas dit, hein, ou le monsieur. Non, mais il y a une dame qui me l'a dit dans l'escalier, ouais. Non, mais. Lorsqu'on arrête à la dernière station avant d'arriver sur les abeilles, on t'avertit que tu peux continuer ou arrêter à Pigalle. Non, ils l'ont pas dit, ouais. Ah oui, ah. Ben sinon, ça va quand même. Ouais, ouais, sinon tout va bien. Coûte cher, ça coûte très cher. Ah ouais, ouais, bah ah, c'est chiant, fou. Quoi. Ah, tu attends la 35 euros à la poubelle pour rien, alors que j'étais en règle en plus, quoi. Il y a plein de fois où je fraude. Mais c'est de plus en plus comme ça, hein. Ouais, bah. J'avais envie de lui demander, vous prenez combien comme pourcentage, juste pour savoir, quoi. Parce que tu sentais bien, enfin. Ouais, je me demande bien combien ils prennent de pourcentage sur les amendes qu'ils foutent. Ben, c'est sûr que pour qu'il puisse garder son argent, pour qu'il puisse garder son travail, il doit trouver des gens comme toi. Des vulnérables, des gens qui... Ouais, moi je suis pas vulnérable en plus. Non, non, mais je suis vulnérable dans le sens où tu as fait une erreur. Mais c'est ça, lui il me voit vulnérable et tout. Et du coup, enfin ouais, bon, ouais, bref. Ouais. Paris quoi. Ouais, effectivement. Les grandes villes. Mais toi, t'es parisienne, là. Ça fait un an que j'habite en Bretagne. Ah ben oui. Voilà. Mais là, ton travail, tu viens ici régulièrement pour... Oui, ouais. Et mais comment ça se passe? Tu planifies ou t'as des amis ici qui te logent ou, Oui, en fait, donc je suis parisienne. Oh. Alors je viens de là, quoi. Je suis née à Paris, après j'ai grandi en Seine-et-Marne. Ok, mais là t'as un appartement ici? Non, j'ai pas d'appartement ici. Je suis... soit c'est des amis qui me logent. Et après, en fait, justement dans ce village de Seine-et-Marne, j'ai toutes les maisons des amis de mes parents avant. Oh. Et du coup, c'est vraiment... Là, j'étais là-bas, quoi. Genre, c'est la campagne. Ah, c'est beau, hein. C'est une demi-heure de train de Paris. Puis c'est très inspirant pour les photos. Ah, j'adore, ouais. Moi, je fais pas trop de photos en ce moment, mais... Ah non, comment ça? Non. Comme j'ai plusieurs métiers, on va dire que je gravite un peu autour en fonction de ce qui se passe. Ok. Mais tu as joué aussi dans des cours des moyens-métrages. Oui. Dont un film que j'ai vu parce que le film a gagné un prix, Ciné Plus a voté. Oui, à la Bande à Juliette. Exactement. Tu as vu la Bande à Juliette? Écoute, c'est une petite histoire, c'est pour ça que je suis un peu ému. J'habitais avec une copine de l'époque qui était enceinte. Mais moi, c'est pour moi qui l'avais mis enceinte. Donc, elle a abandonné son copain parce qu'il était violent. Et bon, moi, j'étais là et j'ai devenu son amoureux. Et on a visionné parce que j'ai une amie qui travaille dans cette entreprise. Moi, je vais vous prendre un crème, s'il vous plaît. Un crème? Oui. Moi, je vais vous prendre une limonade, s'il vous plaît. Une limonade, s'il vous plaît. D'accord. Donc, j'ai reçu par le courrier le vidéo, le DVD. D'accord. Que j'ai regardé avec ma copine un samedi soir. Et ça lui a inspiré le nom, le prénom de sa fille. Juliette? Oui. Oh non, c'est fou. Mmh. Oh, c'est tellement beau. Oui, j'adore cette histoire. Je vois le réalisateur juste après, je vais lui dire. Ah, tu le rencontres? On est devenus amis, quoi. Okay. Après, ouais, on va faire. Écoute, c'est un film. Ça t'a plu? Très émouvant, très. Comment dire, donc très humaniste. C'est vrai, ouais, carrément. Et je me demandais, parce que j'ai fait des recherches rapidement hier soir avant de me coucher, histoire de savoir qu'est-ce qu'il en était devenu de cet homme. Est-ce qu'il a fait des longs métrages? Aurélien, ouais. Alors, le réalisateur, là, il prépare son deuxième film. C'était son premier film. Oui, mais c'est un moyen. Oui, un moyen. Et okay. Là, son deuxième. Toujours un moyen? Je sais pas. Ça dépendait un peu, tu vois, des financements, s'il avait assez de financements pour faire un long ou pas. Mais dans l'idée, il voulait faire un long, ouais. Après, il s'est dit que si c'était faire un long, juste pour faire un long, autant faire un moyen métrage bien aussi. Oui. Voilà. Donc, il va voir. Mais là, il tourne en septembre son prochain film. Mais tu sais que le problème des moyens-métrages, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui travaillait là. Oui, oui. Et qui m'a fait parvenir le film en sachant que j'avais une formation en cinéma et que j'adorais le cinéma. Humaniste et surtout... je trouve qu'il y a comme des petits liens avec Éric Rohmer. Grave, carrément. Moi, j'ai dû voir Le Rayon Vert pour m'inspirer, tu vois. Ah, voilà. Le Rayon Vert, du côté d'Orouette aussi. Bon, c'est pas assez Jacques Rosier, mais voilà, il m'a fait voir pas mal de films de Rohmer, effectivement. Il est... Très narratif. Ouais. Sur les mots, sur la structure de l'émotion. Les dialogues et tout, c'est assez... Oui. C'est un peu, c'est ce qu'on nous a dit, et c'est la grande chance parce que c'est un moyen métrage, mais lui, il a pas mal voyagé, quoi. On est allé dans plein de festivals, on est même passé à la télévision, donc ça a quand même une visibilité pour ce genre de format qui est chiant. C'est ça, j'allais dire, c'est quand même rare qu'un moyen métrage se rende aussi loin que ça. Oui, c'est vrai, ça a été un truc cool de l'année dernière, une petite référence de film français, moyen métrage. Mais on va parler de film, après ça, on va revenir, parce que t'es quand même toute jeune, t'as 25 ans. 24, ouais. 24 ans, ouais. Bah ouais, ouais. Donc, tu as quand même un cheminement assez intéressant. Tu as joué dans deux moyens-métrages, dans des courts-métrages. Tu as également, tu fais de la photo, tu t'adonnes à plein de choses au niveau artistique. Ouais. Mais on va rester un peu au cinéma parce que... Avec plaisir. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le cinéma? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le cinéma? Mais pourquoi, tout, on t'a approché, pourquoi on t'a approché pour, lorsque tu étais plus jeune pour faire des... On ne m'a pas approché du tout. Hein. Okay. Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 5 ans, dans une compagnie amateur okay. en Seine-et-Marne, et j'ai adoré ça. Okay. C'était vraiment un moyen d'expression. Et ensuite, j'ai eu la crise d'ado, donc j'ai décidé de ne plus être comédienne parce que je ne pouvais plus me blairer, quoi, en gros. Pourquoi il y a des choses qui te plaisaient pas chez toi? Crise d'ado, tu sais, le physique, ouais. tout ça, je ne voulais plus monter sur scène, je ne voulais pas qu'on me regarde, je voulais vraiment être dans ma bulle. Et ça, c'est 14-15? Non, ça, c'est plus 17. Ah, 17? Ah, j'ai arrêté, le théâtre. Non, mais la crise d'adolescence, oui, tu l'as ouais. dit, ok. J'ai eu plus tard. Okay. Et c'était presque crise de la vingtaine, quoi, en fait. Ok. Et après ça, donc, j'ai fait l'école de photographie. Oui. Et en fait, à Paris, ouais. 2 ans en école de photographie et j'ai adoré ça. Est-ce que tu as commencé à faire de la photo analogique ou directement numérique? Analogique à la base. Avec quel appareil? Parce que j'en fais de la photo. Un Minolta SRT-101. Ah. C'était l'appareil photo de mon père. Okay. Ah. Donc, et qui m'a filé quand j'avais 11 ans. Manuel? Entièrement manuel? Parce que moi j'ai commencé avec un Comil. Ouais, il était manuel. Carrément. Un Pentax Comil entièrement manuel avec boîtier métal. Même le diaph et tout, c'était sur l'objet. Okay. Et donc, tu avais une chambre noire, tu faisais... Non, j'avais pas de chambre noire. Okay. J'avais pas de chambre noire. Et tu allais chez des amis ou à l'époque, non, je faisais en labo. J'étais assez intéressée. Mon père, il avait aussi des amis à Paris qui avaient des labos, quoi. Mais c'est toi qui faisais toi-même les agrandissements de tes photos? Non, pas à 11 ans, en tout cas. Okay. Après, oui. Après, aussi, en école, j'ai appris. Et là, j'ai vraiment découvert et c'est devenu une drogue. Enfin, je suis limite devenue accro à l'odeur des produits et tout. C'était un peu bizarre, quoi. Ok, tu faisais vos révélateurs ou fixes? Ah ouais, dès que je rentrais dans cette pièce, je savais que j'allais voyager, quoi. Mais la lumière aussi, hein? Oui, bien sûr. C'est comme si tu entrais dans une salle de cinéma. Bien sûr. Merci beaucoup. Et l'intérêt dans la photo, c'est de mettre au monde des images. C'est... Ah bah c'est clair, et justement par le processus analogique, c'est assez incroyable de voir sa photo apparaître plutôt que. Oui, mais tranquillement. Oui, exactement. Donc c'est comme une surprise, merci. Un peu comme une surprise. Ah oui, t'as soif. Ça va faire du bien, hein. Oui. C'est ça le plaisir avec l'analogique, c'est que tu peux cadrer toi-même, mais aussi avec Photoshop, là, il n'y a pas de problème. Mais tu vois arriver de la photo, tu vois arriver, mettre au monde l'œuvre que toi tu as vue dans un petit épisode de Frater, oui, exactement. Et là, dans ta chambre noire, tu t'intéresses à la mise en scène de ta photo. Oui, et même au-delà de ça, c'est tellement une aventure dans le sens où, avant d'ailleurs, l'agrandisseur et tout, tu sais, quand tu dois prendre ta pellicule, la mettre dans le rouleau, dans le noir, dans le noir total, et tu sais pas si ça va marcher. Ah oui, tu vas sentir que là, le rouleau, okay, ça veut pas rentrer. C'est la pression, début, quoi. Hein, quand tu commences au début, ouais. Carrément, donc tu sais jamais si tu vas voiler ta pellicule ou pas. Avant qu'elle arrive sur le papier, tu ne sais pas. Alors, tu peux faire plein d'erreurs, exactement. Et même sur des erreurs, tu regardes la photo, ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, j'adore les erreurs. Si tu veux faire quelque chose de surréaliste, mais sans le savoir au départ, tu prends une photo et ah oui, je l'ai mal tournée ou j'ai trop brassé, tu sais, parce que c'est une queue. J'ai trop brassé, donc, ou j'ai peut-être. Parce qu'il doit y avoir un niveau de température, c'est trop froid, ou tu as gonflé ta pellicule pour donner quelque chose d'intéressant. Alors, il y a plein de jeux d'images qu'on peut s'amuser dans l'analogie. Bah, le numérique, là, c'est autre chose. Le numérique aussi, justement, je trouve qu'on peut trouver une sorte d'amusement artisanal là-dedans. Parce que, Danger, not doing your thing. Espérance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Moi, j'imprimais mes photos papier, si tu veux. Oui. Tu les faisais quoi, tu les... Je les imprimais en papier, et après, je redessinais sur le papier. Ah oui, c'est ça que j'ai essayé de faire, moi aussi. Ouais, avec du café, des épices, enfin, je posais mes expériences, quoi. Et au final, même avec de l'aquarelle, tu peux tirer des... Tu peux les mettre au four, au frigo, enfin tu testes en fonction des papiers. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait au frigo? Alors au frigo, moi j'aime bien parce que ça fait quelque chose de cristallisé. En fait, t'as très vite des cristaux d'eau qui se forment sur la photographie. Alors et... tu sors ça de l'imprimante directement, tu mets dans le congèle ou tu... Ouais, ça dépendait en fonction des humeurs, quoi. Non, mais est-ce que tu mets de la peinture avant ou c'est directement? Ouais, si, bah, par exemple, je mélangeais de la glycérine, par exemple, avec du curry. Bon, voilà. Et je mettais ça dessus et en fait, après, ça cristallisait un peu les trucs et ça faisait ressortir de la matière hyper intéressante dessus. Mais est-ce qu'on peut voir ça sur tes sites internet? Oui, bien sûr, mais parce qu'en fait, on ne voit pas le processus dans le sens où... Non, mais on voit une fois que c'est terminé, donc tu as scanné Voilà, après moi je reprends ma photo en photo, ou je la scanne, parce que parfois je ne pouvais pas les scanner comme il y avait trop de matière dessus. Ah oui, ok, ok. Donc je la reprends en photo avec mon numérique, et après sur Photoshop, j'enlève mes traces de doigts, les bords, les trucs, enfin ce que je ne veux plus qu'il y ait, quoi. Mes défauts parce que je ne suis pas une peintre ou une... Non, mais l'intérêt, c'est ça, l'intérêt c'est que tu peux encadrer le truc et vendre ça comme si c'était une œuvre originale. Exactement, ouais. Ah, c'est intéressant. C'est un peu, ouais. Parce que comme j'avais pas assez d'argent à l'époque pour faire de l'argentique, enfin je faisais genre pratiquement 10 pellicules en 2 semaines, donc c'était beaucoup trop, quoi. Financièrement analogique, exactement, okay, voilà. Oui. Et donc en fait j'ai arrêté, quoi, de faire la photo analogique parce que c'était trop cher. Mais c'est ça, mais c'est fou l'analogique, parce que tu prends ta photo, oui elle est bonne à l'intérieur dans la chambre noire, dans le magasin, parce qu'on appelle ça un magasin, oui c'est bon. Quand tu le développes, ça peut être un peu moins bon ou tout aussi bon. Et quand tu l'agrandis, il y a plusieurs processus. Donc, tandis que la photo numérique, tu prends ta photo, OK, c'est bien, on la garde. Surtout avec 64 gigs, tu peux prendre, je sais pas, 25 000 photos. Donc, c'est plusieurs photos. Mais tu peux travailler aussi sur l'instant. Tu prends une seule photo. J'ai vu des œuvres que tu as faites. Entre autres, je trouve ça très ludique, très intéressant. Et même les gens que tu approches, et là, j'aimerais savoir comment tu fais pour approcher les gens, la boulangère. La boulangère. Oui, il y a une série de photos. Oui. Je l'ai amenée, mais c'est parce que l'impression n'est pas très bonne, donc ça me gêne un peu de te présenter. Non, ça. Non, pas du tout. Ah, oui, vas-y, okay. Ouais, ça m'aidera parce que je t'avoue que. Ah, j'ai peut-être. Ah non, il est là. Tu te souviens pas de la boulangère, une blonde? Mais non. C'est toi, ça? Ah oui, ah. Ouais, elle n'est pas boulangère, elle n'est. Mais c'est une pâtisserie, ça. Oui, c'est une blogueuse. Une blogueuse? Oui, elle s'appelle Victoria Monfort, elle est comédienne aussi. Ok, blogueuse ou une blogueuse? Elle a un blog, quoi. Ok, je pensais parce qu'elle était blonde, elle avait une blondeuse, c'est pas une belle. Non, elle a un blog, elle est actrice aussi et. Du coup, elle avait fait un partenariat avec cette boulangerie. Ok, elle travaille pas dans une boulangerie. Non, pas du tout. Et ça, c'est la mise en scène. C'est drôle. C'est pour ça qu'il y a un boulanger, à un moment donné, qui tient devant elle exactement. Une baguette. Et on voit la gêne de la jeune fille. Et tu as voulu garder ça. Je trouve que c'est celle qui est la plus réussie. Puisque après ça, ben là, on voit la comédienne qui prend des pauses. Oui, bien sûr. L'intérêt peut être bien pour elle lorsqu'elle va présenter ça dans son portfolio. Mais pour nous, ou pour la personne qui regarde, de voir quelqu'un en dehors de... C'est clair. Sa zone. Oui, c'est ça. Sa zone plus facile, hein? Sa zone plus, comment dire, feutrée. Quand on la sort de quelque chose pour la photographier, mais là, c'est autre chose. Et je trouve ça intéressant parce que tu prends plusieurs clichés, mais tu gardes celle qui sort de l'ordinaire. Ouais, souvent. Mais pour toi, parce qu'elle, c'est pas ce qu'elle veut. Elle avait un portfolio avec sa photo, puis en arrière, des briques. Oui. D'ailleurs, on a travaillé qu'une fois ensemble. Ça, c'est le genre de choses que j'appelle des commandes, tu vois. C'est des gens, ils me demandent des choses et je dis oui ou non. Mais là, bon, j'avais dit oui. Et c'est vrai que... Bah, on n'a pas collaboré de nouveau ensemble parce que je pense que je ne suis pas faite forcément pour faire ce genre d'image. Pourquoi? Effectivement. Peut-être parce que ça doit correspondre exactement à des sortes de contraintes et de carcans, de beauté, de trucs qui marchent. Mais toi, t'es sortie de ça. Oui, bah c'est pour ça, ouais. Mais est-ce que c'est toi qui as pensé de faire la mise en scène? Avec le boulanger, par exemple? Je sais plus. Voilà. Ok, ça fait longtemps. Ouais, bah c'était il y a un an, ouais, à peu près. Ok. Et j'ai une mémoire en passoire. Ok. Mais l'intérêt, c'est autant que tu te fais approcher. Je croyais que c'est toi qui approchais les gens. Tu voyais une jeune fille, tu la trouvais intéressante, ou un jeune garçon, puis tu lui demandais. Non, est-ce moi je suis timide, moi. Ok. Moi je suis une petite ermite, c'est les gens qui viennent me chercher dans ma cabane. Ok. Au Canada, il y a un livre qui s'appelle Ma cabane au Canada, une chanson aussi. Mais l'intérêt pour toi de prendre des photos, c'est quoi? C'est de cristalliser, d'aller chercher quelque chose que la personne ne savait pas, ou de t'étonner toi-même de prendre quelqu'un en photo? Avant tout, c'est capturer l'instant. Peut-être dû à cette mémoire passoire, tu vois. Enfin, en tout cas, voilà, graver, immortaliser pour toujours quelque chose, quelqu'un, un instant, une personne, voilà. Et après, effectivement, ce qui m'intéresse dans les portraits, c'est être plutôt d'aller chercher dans le visage peut-être ce que la personne a du mal à elle mettre en lumière. Okay. Et voilà. Et... Quoi, c'est le petit côté, la petite anomalie, la petite. Je suis un peu intéressée par les complexes des gens. Okay. Okay. Et j'aime bien, c'est une sorte de web, pas de challenge, mais quelque chose qui fait que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui dit oh, je me trouve moche, je m'aime pas. Okay. Et puis après, un travail photographique, un peu psychologique. Mais là, sans travailler sur Photoshop, là, c'est non, vraiment oui, prendre une photo. C'est aller chercher le visage, enfin, c'est juste étudier un visage. Moi, je sais que j'ai besoin de temps en prise de vue, par exemple, avant de voir en fait ce que me dit ce visage, moi, ce que ça me fait, comment j'ai envie de le mettre en scène, en fait, tout simplement. Et voilà, ouais, c'est tout un travail. Comme Denis Lavant, là, lorsqu'on le regarde, c'est une face. Et... J'adore, par exemple. Ben voilà, tout le monde est sous le charme parce que ça dit, le visage dit quelque chose. C'est dans Holly Motors, c'est hallucinant. Le film est déjà hallucinant. Carax est un homme en dehors de toute dimension. Je suis amoureuse de Carax, il ne le sait pas, mais... Ben écoute, je vois aussi que tu es amoureuse d'un film de La Persona. Ah oui, Persona. De Bergman. Bergman, ouais. L'œuvre de Bergman en général ou Mais je connais pas tellement, je commence à me lancer dans Bergman là. Mais t'as vu le film. Et j'ai vu Persona. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi je l'ai Non, parce qu'en psychologie, on appelle ça La Persona, c'est pour ça que j'ai fait. Ah d'accord, ok. Mais je crois que c'était Persona. Non, pas du tout en fait alors. Ça s'appelle La Persona? Non, c'est Persona, mais en psychologie, on appelle ça le syndrome de La Persona. Ah, parce d'accord. Parce que c'est vraiment. Il s'est basé sur un problème psychologique. Oui, oui, ben, enfin, ouais. Ça se sent. Mais après, j'avoue que je l'ai pas vu en anglais parce qu'il n'était pas sous-titré du tout. Donc c'était en suédois quoi. Donc j'avoue qu'au bout d'un moment, je comprenais rien, quoi. Mais tu peux pas aller fonctionner avec ton imaginaire et... Si, ah bah bien sûr, okay. C'est pour ça que j'ai continué, j'étais tellement mais plus fascinée par l'image. Mais comment tu l'as vu en suédois? Ouais. Bah ouais, non, il n'est pas... C'était pas en... Ah oui, mais comment tu l'as fait? Non, mais comment tu as fait pour trouver un film sans sous-titres français? Sur Internet. Ah, ok, moi c'est assez difficile, hein. De regarder un film quand on connaît pas la langue. Bah surtout du suédois, tu peux vraiment pas t'identifier à n'importe quelle démo. Non, mais après, l'image est tellement fascinante que je pense que ça ne dérange pas tellement. Tu peux même fermer le son. Hein. Oui, c'est ça. C'est que voilà, moi je me suis vraiment focalisée sur l'image. Après, ça doit être, les comédiennes ont l'air de tellement bien jouer, j'ai hyper envie de le voir. Et les deux comédiennes de ce film-là, c'est les comédiennes cultes de Bergman. On les voit dans plusieurs films. Non, mais j'ai trop hâte de découvrir. Là, ça m'a... Il faut, mais écoute, là, je te conseille fortement. Kusturica et Bergman en ce moment. Qui? Kusturica. Ah, Kusturica, oui. Ouais. Ah oui. Qui a un univers encore très photographique. Carrément, oui. Mais qu'est-ce qui te plaît, comme je te disais, dans l'iconicité, hormis le cinéma et la photo? Dans l'iconicité? Ouais, l'image, l'iconicité, l'icône. Tout? Bah, ouais, non, c'est vraiment ce truc de réussir à inventer le monde qu'on veut, le temps d'un instant, tu vois, aller où on veut. Le capturer, l'immortaliser. Et puis ouais, je sais pas, il y a quelque chose de tellement sensible dans les gens quand ils se voient sur des photographies, même par exemple des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'être pris en photo, comme des agriculteurs ou des forains, etc., que je peux rencontrer. Et c'est juste magique en fait après de voir ça, c'est moi devant mon stand. Tu vois, le gars il s'est jamais vu devant son stand, et grave, et il trouve ça super. Enfin, et du coup, c'est ça en fait qui me donne profondément envie. Parce que ouais, je sais pas pourquoi. Mais lorsque tu prends des photos, est-ce que tu travailles sur la mise en scène ou tu prends la photo? Ça dépend. Ah. Ça dépend du contexte que... ou de la demande. Ouais, et puis surtout de où je me place. Parce que je suis hyper intéressée par exemple par le documentaire et le reportage. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune mise en scène. J'essaye de m'effacer le plus possible tout en gardant ma présence, mais en tout cas de les laisser. Beaucoup de documentaires? Oui. De pardon des grands réalisateurs comme ça. Ouais, je suis assez folle. De pardon, j'ai vu. Ces films, lesquels? Au moins 5 fois. Reportage. San Clemente, c'est un de mes favoris. Oui. Profil paysan, évidemment. Ah oui, ça, c'est une série. Trilogie, une série de plusieurs. La trilogie qui est incroyable. Il y a 9e chambre. Oui, ah, mais ça, c'est tout sur les accusés. Les faits divers, urgence, enfin. Et voilà, ok. Je me suis acheté, moi, les deux. les deux filmographies. La dixième chambre, en fait, c'est ça, la dixième chambre. Oui, la dixième chambre, oui. Et il y a trois films qui se rapportent à ça, où on voit des gens qui vont en cours pour plaider, tu sais, au défaut quelque chose. Et après, j'ai vu aussi, c'est pas mal, les films qu'a fait sa femme, Claudine Nougaret. Non, Journal pas. De France, etc. Okay. Bah, c'est un peu de rétrospective sur Depardon, sur... c'est la femme qui regarde son mari travailler. Oui, bah, ils travaillent ensemble, en fait. C'est elle qui fait le son de ses films et lui, l'image, ouais. Okay. C'est beau, hein. What's your favorite color, baby? Tu vas, tu viens, tu déambules. Quand je pense à tout le pognon que tu dois, vraiment je te jure, t'es ridicule. Surtout que je t'ai filé le condé, écoute-moi, tu feras des merveilles. Du coup, tu pourras tout acheter, montre ton cul, tu feras de l'oseille. Tu verras, t'auras des clients, y en a qui se tapent toutes les séances. Bon messieurs, très conciliants, très bien placés dans la finance. Ils ont des épouses de carton, et dès qu'ils prennent un peu de bouteille, le soir, ils vont se payer des jetons. Montre ton cul, tu feras de l'oseille. Moi, je la connais bien, la chanson, je ne suis pas né de la semaine dernière. À la langue, on fait des façons, avec l'âge, on redevient rosière. Mais ce que je te dis, c'est pour ton bien, pour te foutre la puce à l'oreille. Ne travaille pas, tu gagneras rien, montre ton cul, tu feras de l'oseille. Hey, hey. À chaque fois. Depuis longtemps, en tout cas, ouais. Parce qu'à San Clemente, donc son documentaire sur l'asile psychiatrique à Venise. Et que c'est dur, ça. Voilà. Et qui a été très difficile à faire. Hein. À un moment donné, au début du film, on a sorti Bernard. On a sorti de Pantin parce qu'on voulait pas. Je crois qu'il y a... Moi, je m'imaginais qu'au début, il faisait une enquête, il demandait est-ce que je peux aller filmer. Mais on voit bien que le médecin, je prends un accent québécois, on voit bien que le médecin ne voulait pas, ben peut-être qu'il avait une entente avec. Et t'imagines aujourd'hui? Oui, ah oui, oui. Ça serait même de faire des trucs dans les tribunaux ou dans les commissariats. Il était là pendant les commissariats, etc. Enfin, oui, mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Ouais, non, c'est impossible. Ici, on peut, c'est sans doute très difficile. Oui, à mon avis, il faut être placé ou avoir un projet qui va avoir un gouvernemental, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et surtout se rendre au public, parce que tu peux commencer, mais là, il y a tellement de freins qui risquent d'arriver. Et toi, dans ces films-là, est-ce que c'est le direct qui te plaît? Est-ce que c'est le moment présent lorsqu'on filme? Parce que si on regarde, il a filmé Chirac, il a filmé l'autre... Giscard d'Estaing. Oui, et la fin, c'est merveilleux. Il monte l'ascenseur, il a gagné. C'est hallucinant, ouais. Il monte l'ascenseur et c'est terminé. Ouais, c'est hallucinant. Bah, il est plein d'images de pardon, franchement. Et dans un silence absolu, c'est ça qui est encore... Moi, je respecte profondément. Qu'est-ce que tu veux dire d'un silence absolu? Bah, il travaille énormément avec le silence, j'ai l'impression, de pardon aussi, quand on lui pose des questions, enfin les gens qui sont devant la caméra lui posent des questions, et il répond pratiquement jamais. Il laisse les gens un peu face à leur malaise, de genre « Ah merde, on ne répond pas à ma question, mais bon, bah, j'enchaîne sur autre chose, et c'est justement l'autre chose qui va être hyper intéressante. » Et moi, ça me fascine parce que, déjà, je parle beaucoup, et il y a plein de gens qui parlent beaucoup aussi aujourd'hui, on est quand même... Mitraillé. Ouais, je sais pas comment on dit, mais mitraillé de son, image, bam, bam, bam, partout. Et, des vidéoclips en témoin. Voilà, carrément. Et du coup, voir quelqu'un qui travaille dans le silence, ça me touche profondément, je crois. J'adore le silence. Mais tu sais que Claude Lelouch dit toujours action, mais il dit jamais coupé. Il dit que les meilleures prises, c'est après, lorsqu'on a terminé le silence. Bah ouais. Et ça peut faire des images extraordinaires. C'est clair. Ouais, même si on dit que cet homme est très verbeux. Verbeux. Abonde en paroles inutiles. Mmh. Verbeux. Il y en a beaucoup de verbeux et on dit qu'Éric Lepage. Les paysans, c'est les taiseux, c'est ça alors? Ah, les taiseux. Et voilà, c'est carrément. Ça. Voilà. Ah, les mais verbeux, taiseux, ouais, c'est sans doute. C'est joli. Les verbeux et les taiseux. Oui, mais je préfère les taiseux. Moi aussi, j'adore les taiseux. Les silencieux. Ouais. Une photo, on dit, il y a des adages qui se rattachent à la photographie. Une image vaut mille mots. Oui. Vraiment. Est-ce que tu crois à cet adage-là, à cette expression? Oui, en un sens, après j'adore tellement les livres et là où ça m'emmène aussi la littérature et la musique, enfin les mots quoi, tout simplement, j'adore les mots, le rap, je trouve ça incroyable. Ah, t'adores le rap? Ouais. Francophone ou anglophone? Les deux, mais surtout francophone, j'avoue. Ayam? Ouais, Ayam. Et plus récemment, qui? Plus récemment, il y a un type qui s'appelle Fessal, que j'adore. Oui, on m'en a parlé. Qui a fait des études en philosophie et du coup, ses textes laissent tomber, oui, quoi. J'ai rencontré une actrice, je sais pas si tu as regardé mon Facebook récemment, qui s'appelle, c'est une Québécoise qui reste à Paris depuis 40 ans. Oh, elle va me tuer si je me souviens plus de son nom. Elle va me tuer. Et donc, elle me parlait aussi, elle a presque 50 ans, elle adore. De fait ça, il est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Je l'ai connue grâce à elle. Elle l'a placé sur son Facebook. Et c'est un type, je crois qu'il y a une formation en philo. Oui, c'est ça, exactement, okay. Oui, bien sûr. Et j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de rap. Même autant sur le rap vulgaire ou... Ou condescendant vis-à-vis des femmes Un peu moins. Okay. Bon, après, franchement, des hommes comme Booba, par exemple, je suis assez impressionnée par le personnage aussi. Enfin, je trouve qu'il a vraiment des choses à dire. Je cautionne pas toute la misogynie. J'ai trouvé ça intéressant, mais justement, j'écris du rap avec des amis. On se fait, avec mon groupe d'amis proches, si tu veux, on se donne par mail, comme on est à distance, un thème par semaine, et chacun de notre côté, on écrit. On a une instrumentale globale et chacun on enregistre notre rap. Mais l'instrumentale vient de qui? Ça dépend ce qu'on trouve quoi, okay. Sur internet. Okay. Il y en a de Chinese Man, il y en a de justement Ayam ou quoi. Et donc voilà, avec ce thème-là. Et j'avais une de mes amies qui a dit « Mon rap ne sera jamais cadencé d'insultes comme sale pédé ». Et je trouvais ça pas mal parce que c'est vrai que c'est facile en fait dans le rap d'aller vers quelque chose de hyper vulgose, enfin hyper vulgaire. Et c'est intéressant d'essayer d'écrire aussi, vraiment, parce que c'est de la poésie au final. Ah oui, c'est comme c'est un art abstrait comme poésie. Ça, bien sûr. Donc une image vaut mille mots, mais une photo vaut pas un rap. Voilà, je dirais ça. La photo vaut Une photo ne vaut pas un rap. Ah non. Et l'inverse aussi. Exactement. Et voilà. Un rap ne vaut pas une photo. C'est pas la même. Mais on t'approche souvent pour faire des folios, pour des... Des portraits de comédiens? Exactement. Ouais. Et en fais-tu encore beaucoup si tu préfères te consacrer à autre chose maintenant? Maintenant, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais parce qu'avant, j'étais à Paris et j'avais mon studio photo dans mon salon où je recevais les comédiens, même plusieurs par jour parfois, donc c'était très pratique et c'était comme ça, donc c'était super. Mais depuis que je suis partie en Bretagne, l'occasion est moins là et puis mon envie est moins là aussi parce que je ne me considère pas comme photographe de book, enfin, donc voilà. Mais qu'est-ce qui t'a fait... Mais après, j'adore, c'est quelque chose que j'adore. La rencontre, par exemple, c'est fugace en plus, parce que généralement, c'est des gens que tu rencontres peut-être 3 heures, une journée, et puis après, tu la rencontres pas avant, tu la rencontres avant de prendre des photos, et non pas une journée, deux, trois jours. Avant, je faisais ça. Au tout début, où j'ai commencé, j'étais tellement stressée que je rencontrais toujours les gens, et puis je faisais remplir une sorte de questionnaire de Proust. OK. Pour m'inspirer. Ah, mais je vais t'en poser 10 tantôt, j'ai hâte de voir. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il suffisait d'un petit temps de café avant. Voilà, okay. Par contre, je prends comme toujours ici. Une. Exactement. Je prends toujours une demi-heure avant pour. Discuter, savoir un peu, avoir un profil. Voilà, poser des questions, c'est quoi tes films que t'aimes, au niveau comme ça. Moi, je vois. Et tu es déçu souvent? Déçu? Ouais. Non, jamais. Jamais. Ça m'est arrivé une ou deux fois de tomber sur des gens où humainement et artistiquement, c'était pas la même fibre. Ouais. Non, pas forcément superficielle, parce que peut-être que moi je suis superficielle pour d'autres gens, donc voilà. Mais en tout cas, non, franchement, j'ai fait tellement des belles rencontres que c'est pour ça que même si c'est pas le truc que je veux faire toute ma vie absolument et que voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire pendant toute ta vie? Vivre, c'est pas mal. Non. Une chanson de Serge Reggiani qui parle de vivre. Ah, j'adore. Le titre de la chanson, c'est Vivre. Wow. J'ai rencontré sa fille l'année dernière. D'accord. Cécilia Reggiani. D'accord. Hein, je savais pas qu'il avait une fille, mais j'aime beaucoup Serge Reggiani. Ils ont Serge Reggiani a eu 3 enfants. Un qui est réalisateur, ouais. Qui a fait Normandie. Elle qui s'est adonnée au jazz, à la musique, et un autre dont je ne sais pas ce qu'il a fait. D'accord. Et tous ces enfants-là ont été victimes de Serge Reggiani, puisque ça a été un grand personnage, mais qui a abandonné ses enfants, malheureusement, dans son cocon artistique. Donc, ça n'empêche pas, hein, ouais, bien sûr. Alors, de quoi je parlais avant? Ouais, du coup, vivre. Ah oui, vivre, oui, vivre. Mais non, en vrai... Franchement, si je suis tout à fait honnête avec mes rêves d'enfant, par exemple, c'est vraiment jouer, quoi. Enfin, j'espère finir vieille femme de théâtre, quelque part. Vieille femme de théâtre? Ouais, un peu. OK. À la Garbeau? Ouais, j'ai pas de référence, là. Okay. Juste, je m'y... Dietrich. Ouais, pourquoi Dietrich, pas, d'ailleurs. Ouais. Oui, mais Faustine. Ah oui? Mais qu'est-ce qui te plaît au théâtre? Alors pour l'instant, j'ai jamais fait de théâtre. Franchement, j'y connais pas grand-chose. Comme j'ai pas suivi d'enseignement réel, tu vois, formation post-bac de comédienne. Mais peut-être que c'est mieux. Alors, ben, ça, en tout cas, c'est moi, donc c'est comme ça, quoi. Et ça m'empêche pas d'apprendre. Hein. C'est l'école de la vie, c'est ce que je dis quand on me dit t'as fait quelle école? L'école buissonnière. Tout est une école de la vie. Exactement. Mais le théâtre, c'est super, dans le sens où c'est quand même pareil, quoi. Un truc de... un monde, le temps de quelques instants. Et en plus, c'est vivant au-delà du cinéma, c'est pas un écran, là. C'est vraiment, t'as une énergie, enfin, les corps, aussi, en fait. Mais tu reprends, tandis qu'au théâtre, si tu te trompes, le lendemain, tu peux recommencer. Exactement. Mais la personne qui était là va voir quelque chose. C'est assez fascinant. Mais pour l'instant, par exemple, je me sens pas du tout assez confiante, ni... armée, ouais. Est-ce que tu vas souvent au théâtre? Non. Franchement, je vais pas, ça m'arrive, hein, mais je vais beaucoup plus au cinéma qu'au théâtre, par exemple. Mais pourquoi le théâtre plus que le cinéma? Pourquoi veux plus faire de théâtre? Oui, justement, parce qu'en fait, par exemple, là, si tu veux, je me vois bien maintenant, à mes 25 ans, faire du cinéma. À venir. Voilà, exactement. j'ai envie que de ça, quoi. De faire des films, et puis au fur et à mesure de ma carrière, quand j'aurai appris plein de choses et que je pourrai jouer du Tchekhov parce que j'aurai plus 25 ans, justement, parce que je comprendrai vraiment ce que ça veut dire, d'aller le faire sur scène, moi, pourquoi pas. Es-tu une grande lectrice? Plutôt. Je l'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. C'est un peu un des trucs qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. Pourquoi? T'étais ravagée? T'étais... Non, mais c'est un super échappatoire aussi. Ouais, livre, ouais. Quoi. C'est hallucinant les heures que tu peux passer dans ta chambre, justement dans ce monde choisi, en fait. Je crois que c'est un peu ça qui lie toutes mes aspirations artistiques, c'est l'évasion, quelque part. Aimes-tu la poésie? Bah ouais, je suis une folle de poésie. En écriture? J'écris de la poésie, tu veux dire? Non, bah là, dans ce cas-là, ça se transforme plutôt en rap. Ah, bien, toujours, ok. Quoi après, que j'ai, rap, j'ai de la poésie, plein de carnets, tu vois, j'ai plein de carnets, donc j'écris, c'est pas de la poésie, c'est des choses que je sors de moi, quoi. Depuis adolescent? Ouais, j'ai toujours écrit. Est-ce que tu relis tes vieilles... Non, je les ai plus, je crois. Volontairement? Mais pas vraiment, mes parents les ont perdus un jour, et voilà. Oh. Ça s'est fait comme ça, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait pas plus que... mal. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu une flamme artistique au début? Ça, c'est... Est-ce que tes parents étaient cultivés, allaient souvent au théâtre, au cinéma? Mes parents, mon père, les deux travaillent plus ou moins dans l'artistique, on va dire, mais à des visions complètement éloignées de comment moi je perçois l'art. Ok. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, très clair, oui, oui. Voilà. Donc si tu veux, je pense que ça vient forcément parce que mon père, il a été caméraman, chef opérateur. Au cinéma ou... À la télévision. Ok, oui. Motherfucking dishes out for. Now the doctor, sweet little doctor, is coming. sweetly the dog please come in. Another brand new doctor is watching. Every sweet little disease I've got. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en course sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, se laver, ravaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. Cavaler pour pointer, cavaler au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée, quelle santé. Surtout ne pas parler, mais ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasmant voyage. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. Instrumental. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé et tu n'as pas bronché. Bien mieux tu as souri et j'ai dit Anastasia, l'ennui m'anesthésia. Tu t'appelais Ernestine ou peut-être Honorine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée? Tu m'as emmené partout où c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. Si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décident un jour de s'arrêter pour aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. À Paris? Oui. Dans quel et puis, enfin, non, il était grand reporter, donc il est beaucoup parti. Il a bossé pour Oxbow, tu vois, il allait à Hawaï, il a fait le tour du monde plein de fois. Il faisait les matchs de foot, donc il allait au Japon. Ah, il était absent, c'est un père absent. Ouais, du coup, finalement, c'est vrai, quand j'y réfléchis, ouais. Et Mais en tout cas, donc oui, je pense que ça vient forcément de là, dans le sens même lui, c'est lui qui m'a filé le Minolta quand j'avais 11 ans, donc évidemment. Mais pourquoi qu'il te l'a offert? Parce qu'il voyait en toi que... Parce que je passais ma vie à leur piquer leur jetable. Tu vois, ils avaient des jetables avec leurs potes et tout, et je les volais tout le temps. Et un jour, il m'a dit, tiens, vas-y. Et en fait, c'est pas qu'il m'en pensait pas capable, mais j'étais quand même jeune et pas du tout mathématique. Moi, j'ai pas un esprit logique du tout, donc j'avoue que là, j'ai vu les chiffres, ça m'a freiné deux secondes. Et ah ouais, quand tu regardes, c'était plutôt pour que j'arrête de les emmerder, quoi. Et au final, finalement, ça m'a fasciné. Je me suis dit, ok, faut que je comprenne, sinon je vais vraiment passer pour une bille, quoi. Ouais. Et voilà. Mais parce que moi, je connais plus le Comil. Est-ce qu'il y a l'obturateur, puis il faut que ce soit dans le milieu, ou si c'est les chiffres qui parlent? Non, c'était dans l'obturateur, ouais, carrément. Ok, c'est ça. Alors ouais. tu vois l'aiguille qui bouge, ouais. Exactement. Carrément. Donc ça doit, si tu veux avoir une image correcte au niveau de la luminosité, il faut que ce soit dans le milieu. Exactement. Oh, là, comme moi, ok, comme mon Pentax Comil. À l'ancienne. Ok. Donc aujourd'hui, tu me dis que tu faisais plus de photos depuis quelques temps. Enfin, si, j'en fais. Ok. Mais tu t'adonnes à quoi actuellement? Alors, oula. Pourquoi tu as quitté Paris? Pour pas mal de raisons. Économique, avant tout. Bah, à la base, ça faisait quand même 5 ans que j'y travaillais d'arrache-pied, quoi, on va dire, justement photographe, portraitiste. Et donc, je crois que j'en avais un peu marre. Enfin, c'était violent quand même à ce moment-là, c'était les attentats de Paris, c'était en 2015, en novembre 2015, et moi j'ai déménagé en janvier. Donc si tu veux, je pense que ça a vraiment. Alors ça t'a aidé à prendre une décision rapidement. Ouais, et puis surtout, j'ai découvert un petit peu avant ça, j'avais découvert le yoga, et du coup j'ai été faire des stages un peu dans la montagne, dans la nature. Et vraiment, j'ai eu un appel de la nature, mais un truc où je me suis dit. Waouh, ça me fait drôlement du bien pour moi qui suis nerveux, très sensible, angoissée, etc. Le fait d'aller me promener deux secondes en forêt tout de suite, voilà. Et ça me faisait pas ça au bois de Vincennes. C'est un faux bois entre guillemets. Exactement. C'est un bois en ville, Et donc, et tout un tas de facteurs en fait qui ont fait que, tu sais, parfois quand tu réfléchis pas et que c'est la vie qui prend un peu les décisions pour toi, très vite je me suis retrouvée chez un ami que je connaissais à peine en Bretagne, que j'avais rencontré sur un tournage, et voilà. Enfin, voilà. Tout s'est fait très vite, le prix des loyers, le prix de la vie. Qui a monté épouvantablement. Voilà, c'est ça. Et où là-bas en Bretagne c'était quand même drôlement plus accessible. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Après, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Là, ça fait un an. Est-ce que tu te sens toujours à l'aise? Oui, sans doute. Tu sors dehors, c'est l'air pur. C'est assez incroyable. Après, c'est le côté solitaire qui est aussi une sacrée aventure, quoi. Aimes-tu être solitaire ou tu es une fille de groupe? Je crois que j'aime drôlement ça parce que sinon, je serais devenue folle, quoi, depuis un an toute seule en Bretagne. Ouais. Mais t'es pas seule, t'as des amis, là? J'ai pas d'amis là-bas. Ok. Je connais personne, tu vois. Okay. J'ai aucune racine bretonne. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour le village dans lequel j'habite. Ok. Et en fait, si je commence à rencontrer des gens, mais c'est social comme ça, tu vois. Bah, surtout dans une petite campagne. Bah, c'est 800 connaît. Habitants en plus. Donc, 900 800 habitants. Ah, 800, oui. Donc il y a beaucoup de vieilles personnes. Après, j'adore les vieux, hein, mais bon, c'est pas mes amis que j'ai ici. Mais tu est-ce vois. Que ça t'attire à prendre des photos? Parce que les personnes âgées, c'est tellement beau. J'adore. Ouais, okay. ouais. Tu en prends des photos? Oui, je prends pas mal de photos là-bas. J'aimerais bien faire un projet autour de ce village, justement, oui, okay. Mais plus tard, tu vois. Oui. Genre, justement, un truc un peu genre. Qu'est-ce que ça fait quand tu... Ouais. Ou peut-être sur Internet, mais c'est plus non, payant. Non, mais ouais, un livre, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est un peu l'idée que j'en avais de justement raconter cette expérience de quitter Paris à 24 ans. Avec des courts textes peut-être? Qui ouais, c'est pourraient... ça, ah exactement. Oui, ça c'est bien. Ça c'est toujours réussi. Carrément, ça me tiendrait à cœur. Parce que ça vient de toi, autant l'iconicité que la narrativité. Donc c'est toi au complet dans toute la façon de voir carrément. Ton monde. Et surtout, le virage que tu as choisi de faire. Et ça, il faut, ben toi tu n'y as pas pensé, mais la majorité, ils réfléchissent, donc ça prend un culot, mais pas dans ton cas. Oui, non, mais c'est clair. Toi, ça t'a pris uniquement les attentats, puis certaines petits déclencheurs pour changer, puis te dire, oh non, c'est pas ce que je veux. Mais... Oui, j'ai eu pas mal de bébés aussi, que j'habitais avec un amoureux, tu vois, à l'époque, et que ça s'est terminé, donc quand tu vois plein de choses qui font que, t'es là, peut-être que, c'est plus ici que je dois être pour l'instant, quoi. Okay. Après, j'adore revenir, j'adore venir travailler ici. Alors, ce qui a aidé aussi, c'est la rupture amoureuse. Exactement, on ça a été un sacré tremplin. Ok, mais on va changer de vie, on va changer d'endroit, on va essayer de se reforger, exactement, de se redonner une autre... et de se recentrer. Oui, la nature, en tout cas pour moi, ça a ce sens-là, ouais. Es-tu une fille à... Mais tu aimes autant l'urbanité que le côté campagnard de... Je crois que j'aime vraiment les deux, ouais, effectivement. Après, je me sens quand même plus à l'aise maintenant dans la nature. Mais enfin, quand je viens ici, je me fais des listes de qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir comme expo, de films, de trucs. Donc j'adore, en fait, je me fais mes programmes et je regarde les nouveaux restos, qu'est-ce qui pouvait me plaire, qu'est-ce que je peux découvrir. Et ça, bon, bah, je ne l'ai pas du tout dans mon village. Donc, et c'est ce qui fait que je suis heureuse. Donc, est-ce que j'ai besoin des deux. Ouais. Est-ce que tu arrives à vivre davantage là-bas ou ici, dans ton travail? Parce que tu veux toucher à tout pour pouvoir vivre. Bah, c'est un super équilibre dans le sens où ici, je fais toute la partie que je ne peux pas faire quand je suis toute seule. Donc, ça va être tout ce qui est social, relationnel, rencontre et puis les projets dans le concret, donc d'aller photographier des gens, filmer pour des commandes, des choses comme ça. Et dès que je rentre là-bas, c'est ici que tu les fais. Voilà. Et tu t'envoies là-bas travailler les contrats. Faire de la post-production. Donc je fais mon montage là-bas, toute seule, dans mon appart en Bretagne. Enfin, ouais, c'est assez cool, quoi. Où je vais au café, je fais du montage. Donc voilà, je fais tout là-bas, un peu bah, la partie immersion de l'iceberg, on va dire, quoi. Où il faut vraiment être toute seule, dans, là, justement, m'entourer de poésie, enfin de ce que je vais choisir pour m'inspirer, pour travailler, ouais. Mais comment tu fais pour créer ces contacts-là? Est-ce que c'est le bouche à oreille ou... Bah parce que ça fait quand même... En fait, j'ai commencé jeune, hein, à travailler à 19 ans. C'était quand même une grande chance avec les comédiens. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde. Et puis ouais, c'est ça, le bouche à oreille, bah tu vois, toi tu me contactes par Facebook. Là, la dernière fois, on m'a contacté pour des photos de mariage en me disant c'est telle personne qui m'a donné votre nom. J'étais là, je connais pas telle personne, mais c'est génial, j'adore, enfin ça me touche. Alors tellement. Tu l'as fait? Je fais ça demain, ouais. Ah demain, ok, ouais, ok, c'est ça. Demain. Ok. Donc c'est quand même assez payant, ça, ce genre de choses-là. Ouais, pour l'argent, tu veux dire? Ouais, ouais, carrément. Bah, là, c'est vraiment un job alimentaire. Là, c'est... En plus, c'est intéressant, c'est pas n'importe quoi. J'en fais jamais, franchement. C'est à Paris, ça? Ouais, c'est à Nanterre. J'espère qu'il va faire beau. Il va pas faire très beau normalement, il va faire un peu comme aujourd'hui, quoi. Ah, mais on a eu un peu de soleil tantôt. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est à souhaiter parce que ça fait des plus belles photos. Oui, ouais. Bah, pas forcément. Mais t'as-tu des idées déjà? T'as-tu créé des mises en scène ou tu vas le faire une fois là-bas? Tu as rien préparé, tu vas arriver vierge? Ah non, moi je prépare pas. Un peu comme ce que tu m'as dit, tu veux que je prépare quelque chose? Surtout pas. Ah ouais, bah, oui. Mais qu'est-ce que tu voulais préparer ici? Bah, je sais pas, parce que je savais pas trop si tu savais ce que je faisais. Enfin, je savais pas du tout que t'avais vu la bande à Juliette. Moi, je savais pas du tout. Tu voulais faire un genre de portfolio Bah non, mais t'expliquer, enfin, de savoir un peu synthétiser, parce que c'est vrai que tu as expliqué photographe, comédienne, vidéaste. Oh, ouais. J'ai fait aussi des résidences où j'ai fait de la sculpture, de la peinture. Oui, donc voilà, un peu mettre. Je savais pas de quoi tu voulais parler, tu vois. Si tu savais que j'étais comédienne ou photographe, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis que photographe ou que comédienne et tout. Non, non, mais c'est ça le travail de. Je savais pas que tu avais vu mon travail, quoi. Ah ben oui, ben sinon, on serait jamais ici. Oui, bien sûr. Puis j'étais ému du au fait que Juliette est devenue c'est incroyable, petite... c'est oui. Trop beau, quoi. Et moi, lorsque je t'ai vu sur mon écran, parce que c'était pas malheureusement au cinéma, parce que je sais pas si c'est arrivé au Québec, tu demanderas à ton réalisateur voir si ça s'est rendu à Québec, mais ça me surprendrait. Non, mais on n'est pas sorti au cinéma, hein. Ok, ça a été uniquement... On a eu une projection organisée. Après, en fait, dans le cadre de plusieurs festivals, on a été projeté plusieurs fois dans des cinémas à Paris, mais il n'y a eu aucune sortie officielle. Ah, voilà, ok. Donc, si j'ai eu la chance, c'est une chance que je suis... Le Paris France, ouais, carrément. Et donc, lorsque tu campes un rôle au cinéma, tu as fait deux moyens-métrages. Donc, tu sais un peu comment ça fonctionne, contrairement au court-métrage où on doit aller rapidement, le moyen aussi. Mais moyen-métrage, c'est au moins 50 à 60 minutes. Donc, moyen-métrage... Oui, enfin, oui, c'est... Maximum 60 minutes. Ça, après ça commence à virer. Woody Allen fait 70 minutes, donc exactement. Ça commence à devenir un long-métrage. Ouais. Donc, mais ça, c'est ce qu'on dit dans les écoles de cinéma. Oui, mais oui, ça a peut-être changé. Moi, c'était en 94. Non, mais si, c'est ça. C'est de 30 à 1 heure. Ouais, c'est ça. Une heure, c'est un moyen. Et voilà, maximum 60 minutes. Puis, entre 35 et moins, c'est un court-métrage. Donc, lorsque tu commences à tourner un moyen-métrage, tu sais que... C'est pas une journée, donc un court-métrage, ça peut durer 3 minutes, donc ça peut se faire dans 2-3 jours ou même une seule journée. Et quand c'est un moyen-métrage, ben là, tu commences à travailler ton rôle, à y croire. Bien sûr. Et tu te genres à vivre ton personnage. Chez toi, es-tu encore ton personnage? Oui, bah, je travaille en fonction de ce que je vais avoir à faire, évidemment. Je travaille la personnalité de la personne que je vais devoir rencontrer en moi. Je sais pas comment. Mais est-ce que tu te détaches après le soir ou si tu es encore un personnage? Bah, par exemple, sur la bande à Juliette, c'est vrai que bon, c'était il y a quand même un petit bout de temps maintenant, mais. Pas tant que ça. Bah, on a tourné en 2014. Oui. Donc, et c'était, c'était ma première fois devant une caméra aussi, donc c'était particulier. Mais en tout cas, je sais que c'était assez drôle de me replonger dans l'état de ce personnage. Donc, il est quand même un état assez adolescentesque que j'avais essayé d'élaguer de moi pour grandir. Et je me retrouvais parfois dans des états adolescents, quoi. Un truc très fleur bleue, à vif, à mort. Mais ça te travaillait à l'intérieur, ça te squeezait. Carrément. Ça me renvoyait à des choses qui n'étaient pas forcément agréables, quoi. Mais Mais... t'intéresse autant dans la photo, le cinéma puis la sculpture, qu'est-ce qui te... Est-ce que c'est le travail de intérieur que tu vas chercher en... ou si c'est plusieurs médiums que tu veux essayer de comprendre, essayer de oui, approprier, de te mettre en... Mais j'ai écrit là un dossier pour une résidence de création à laquelle j'ai candidaté et j'avais marqué dans ma note d'intention un peu que ma démarche artistique, elle était portée par à la fois mes instincts enfantins qui vont un peu sortir, pousser à te sortir de ta zone de sécurité, okay. Et à la fois, je pense aussi des peurs viscérales et profondes, et je me sers de l'art pour extorquer ces peurs viscérales et les faire un peu poésie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour que tu te raccroches autant à ça? Je sais pas. C'est un travail là, c'est un travail que je fais en ce moment. Ok, une psychanalyse? J'en ai fait une pendant un an, une psychothérapie. Pourquoi? C'était super. Pourquoi? Est-ce que tu vas en parler ou... Bof, je non, crois, okay. Ouais. Mais en tout cas, non, je pense que j'ai pas eu une enfance par exemple plus difficile forcément okay. que quelqu'un d'autre. Ok, mais c'est toi qui est plus complexe? Non, pas du non? tout non plus, mais. Je réfléchis pour dire les choses justes. Ah hein. Oh, oui. Mais je crois que dans n'importe quelle famille, même quand ça va bien, on peut toujours souffrir d'une oui. sorte de oui. déni de compréhension de la part des gens qui t'entourent et que c'est pas parce que c'est ta famille que non. c'est des gens qui vont te comprendre non, et t'entendre, ta non. sensibilité, etc. Non. Et donc j'ai l'impression que l'art, pour moi, ça a été vraiment un truc de... comme pas un ami imaginaire, mais un truc un peu où... Ok, quand je te parlais de zone de sécurité, c'est mon domaine. Je sais pas pourquoi. Tu sens à l'aise dans la ouais. création. N'importe quelle création. Et pas forcément dans la vie, par exemple, de tous les jours. Hein. Il y a plein de situations ouais. dans la vraie vie où je suis pas à l'aise, mais je sais que quand je crée, après, à part dans ce truc de confiance en moi qui me manque peut-être pas mal à certains niveaux, mais où je suis à ma place, en tout cas. Enfin, voilà, je... Tu te sens à l'aise. Ouais, je plus sais pas. À l'aise que dans la vie, en oui, oui, oui, c'est ça, ouais. En tout cas, plus j'ai plus l'impression d'avoir un sens. De vivre pour quelque chose, quoi. Alors ton spleen est moins présent. Ouais, donc carrément. Tu essayes de le diriger à travers l'art. Ah ouais. Mais après c'est intéressant parce que là par exemple j'ai fait la serveuse 2 jours en Bretagne et je trouvais ça génial comme boulot. Parce ok, le travail que... de serveuse. Ouais. Ok. Parce que justement pendant 4 heures t'es tellement dans un rush et une adrénaline que tu ne penses pas à ta vie une seconde, tu n'as pas aucun souci qui vient, aucune angoisse, aucun truc. Et c'est vrai que j'avais fait le parallèle après, en fait, de pourquoi ça m'avait fait autant kiffer, alors que j'ai pas du tout envie d'être serveuse, mais c'est un peu ce truc aussi de tournage et de la photo où tu es tellement concentré sur ce que tu es en train de faire. Mais que... serveuse, pourquoi? Parce que tu avais besoin de sous? Ouais, ouais. Ok. Puis tu as aimé ça, tu vois quand même peut-être... Non, je veux pas le refaire parce okay. que j'aime pas trop, mais okay. je fonctionne mal à la pression et tu vois, okay. c'est un peu comme ça. Mais t'as abandonné parce que, ou si c'était voulu que ce soit 2 jours? Ouais, Non, j'ai fait okay. 2 jours en extra, quoi, dans okay. un resto en bas de chez moi en Bretagne. Ok. Et voilà. Et donc, pour toi, ça a été, c'est encore un autre arc à tes, un autre comment dire, une autre chose que tu peux rajouter à ton CV? Ah non, non, non, pas du tout. Ah okay. Non, en tout cas, mais toi, dans ta vie, ça t'a enrichi. Oui, bah dans le sens où et je trouvais si ça hyper drôle. Si un jour tu vas faire un rôle qui se rapproche à ça, tu vas déjà l'avoir campé. Oui, oui, oui. Moi, je l'avais fait un peu à Paris aussi. Hein. Tu vois, forcément, petit job, j'ai fait là. Ici, j'ai fait caissière à Monoprix pendant 5 mois pour me payer mon studio photo, justement. Okay. J'ai fait beaucoup de babysitting. J'ai été photographe au Crazy Horse. Ah, mais c'est pas pire ça, être photographe au Crazy Horse. Non, c'était horrible. Tu sais, c'est pour prendre les photos, les clients russes et américains avec leur. Co-girl, tu vois, et leur vendre les photos 20 euros à la fin. Mais c'était un job, enfin, tu vois, c'était quelque chose. Donc j'ai fait parce vraiment plein de peu petits jobs. Ouais, c'est ça, j'avais trouvé ça, c'était sympa, quoi. Ouais. Ça me faisait de l'expérience. Et c'est les pauvres danseuses aussi qui sont là-dedans, c'est pour entendre. Ouais, c'est ça. Il y a une chanson de Brigitte Fontaine, est-ce que tu l'as entendue? La chanson de Brigitte Fontaine. C'est laquelle? C'est Crazy Horse. Ah non, je ne connais pas alors. Tu parles des filles de Crazy Horse. C'est vraiment un documentaire de 3 minutes 50. Tu devrais l'écouter. Ah ouais, carrément. C'est extrait de son dernier album qui s'appelle Prohibition. Ah, j'ai pas écouté son dernier album. Ah, oh, tu devrais, elle dit dans cette... Je me suis arrêtée à Que la vie est belle, tu vois. Ah, ça c'est Genre humain. C'est son album Genre humain. Ah, ok. Ah, Que la vie est belle. Oui. Mais elle a fait dans Prohibition un truc assez fort parce qu'elle est rendue à 74 ans. Puis elle dit, est-ce que parce que j'ai 74 ans et que les gens me voient dans la rue, que je dois arrêter de baiser, arrêter de vivre, parce que comme si la baise était uniquement prévue ou offerte à des jeunes ou à des gens de 40 ans et moins. On parlait de ça avec une amie justement qui est allée voir sa grand-mère en maison de retraite et on a eu une grosse discussion sur la sexualité, questionnement, tu vois, en tout cas c'est quoi la sexualité des gens âgés et justement pourquoi est-ce qu'il n'y aurait plus de sexualité, en tout cas de désir sexuel, parce que le corps fonctionne moins bien certes, mais en soi je pense que il y a encore... l'âme que tu avais quand tu avais 20 ans et que tu avais hyper envie de passer une nuit avec un bon mec ou une belle fille, c'est pareil, t'es la même personne on discutait de ça, je trouve ça une belle interrogation. Et étiez-vous sur le même au même niveau, aviez-vous la même vision ou si on n'avait pas de réponse dans le sens où c'était vraiment on se posait des questions, mais on se posait toutes mais c'est intéressant, hein. c'est intéressant. Puis encore là on se dit on arrive souvent avec ce constat là on s'est jamais imaginé nos parents faire l'amour. Moi je suis surpris plusieurs fois, donc un truc horrible, tu vois, te traumatise à mort. Ah, mais ça c'est parce que t'es enfant? C'est ça, mais moi aussi deux fois, mais j'avais 5-6 ans, mais j'ai pas pris ça, mais du coup après je me les imaginais plus dans le sens savais ce que c'était, quoi, tu vois, j'avais pas de fantasme de ah papa et maman ils font l'amour, je l'avais vu, donc... Mais en tout cas, Brigitte Fontaine, tu devrais écouter l'album Prohibition, parce que c'est vraiment là un constat d'une femme de 74 ans qui dit « Je veux encore vivre, boire, baiser et manger. » Ah, trop joli. Ouais. Tu la connais un peu? Brigitte Fontaine, ma mère, elle est très très fan. Brigitte Fontaine, Alain Bachung, Gareski, ça. Ah, oui. Donc je connais très bien, C'est pour ça que je n'ai pas écouté son dernier album. Ok, là tu en as un peu ras-le-bol. Est-ce que tu te considères comme une féministe? Je me considère comme une humaniste, femme. Mais... féministe, c'est compliqué dans le sens où ça appartient à tellement de branches aujourd'hui que j'ai pas envie de me mettre dans une case. Après, évidemment, dans le sens d'être une femme, évidemment que je suis féministe, je suis pour le droit des femmes et je me bats pour ça, même dans mon art, par rapport à mes photos sur la nudité, etc. En fais-tu beaucoup? J'en faisais beaucoup au début, moins aujourd'hui parce que j'ai moins de projets. J'ai fait beaucoup de filles au début et puis après un peu de garçons, mais plus des femmes. Okay. Encore des femmes. Pourquoi c'est plus facile? Sans doute, quelque part, tu vois. Enfin, pour moi, on est tous les miroirs des uns des autres, donc sans doute que c'est un miroir qui m'a mettait moins mal à l'aise que l'autre qui pouvait plus être un miroir de la figure masculine, donc de mon père, enfin, chelou, tu vois, j'imagine. Ou le côté sexuel aussi. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais, et qui en plus est quand même drôlement installé aussi aujourd'hui. Enfin, moi, je le ressens beaucoup, tu vois, ce rôle de la séduction et de la sexualité quand t'es un garçon et quand t'es une femme. Donc pour ça, je suis féministe, oui. Bah d'ailleurs, hier, j'ai écrit un rap et ça, à un moment, c'était « Bitou chat, on s'en tape », tu vois. Bitou chat, on s'en tape. Ouais, un peu, tu vois. Pourquoi est-ce que, parce que je suis pas née avec une bite, sexe masculin, je devrais me faire emmerder dans la rue et qu'on pourrait se permettre de me parler autrement que si j'étais un mec. Et ça, est-ce que ça arrive souvent? Extrêmement souvent. Ah ouais? Extrêmement souvent, mais pour beaucoup de femmes, c'est pas pour moi. Non, je sais. Thank you.